بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قبض العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين، خاصة منهم سيدي صاحب الكتاب سيدي ومولانا صلاح الدين التجاني وجميع أحبابه والمنتسبين. آمين. كان نيغي يامون سي جوتاي بي ويسو سي كنوز العشرة 95 page 95 manam ci di batay ci xayal gi ci di ak li ci aju ci yeksi won nañ ci walu na borom subhanahu wa ta'ala manam ne wa anna wa ta lu yor bur boy ne qulubul ibad qulubul ibadi khulu jami bayna asba'ayni ñi ngi di deugante baram ñaar baram min asabi'i ci digeet ci baram bi borom bi ta'ala aji kay ko gisone nañu lolu liñ waxon nak ci jotay bi wessu yakana fofu tambal te lañ tambalé won baram fofu manam budé wa ahlut ta'wil ni di ta'wil han dañ ko dañ wax né baram limi tekki moy manam day wër wërlo ci ciobare yalla ak katanu yalla wala ci nam nam yalla ak sañ sañu yalla wala ci manam ci manam xewulu yalla ak bëggalum wala yu mel non manam ci digënté bobu lay nekké yalla diko jallal lu ko nexé wala comme ni cheikh tidiane wax radiyallahu ta'ala anhu wa ta'ala bi mu ne baram ni ñun gëm nañu ne borom subhanahu wa ta'ala amna ay baram comme nim ko waxe ci hadith bi waye nak baram bobu ñun niñ ko gëmé limi tekki moy la ay mbir la yu aaju ci ciobare yalla ak ay mbir yu aaju ci katanu yalla su ko defé nit ku nek xolam mi gi digënté ñaari mbir yoy aaju ci ciobare ay mbir yu aaju ci ciobare yalla ak ay mbir yu aaju ci katanu yalla mu koy jallar bi diko yobbu ci état yu ko neex voilà parce que xal bu comme niñ ko gissone ko ci biir ci biñuy yexé ci xol lu muy di tekki lan la ëmbuk yoy ni gis na étymologiquement ban fi xal moy luy di jallar bi ko dama sumel qalbu illa annahu yata qallabu voilà yo ne comme lu way kat arab bo xol xol tuddé wuñ ko xol luddul ne day lan lu muy jall bu qalbu ndax day jallar bi ko yalla yata qallabu voilà leug ci xam hadith amna lu ñu tuddé xalbu amna lu tuddé xalbu hein na hadith la xam xalbu hein moy lo xamantene hein moy jaawale wéccio lo xamantene am njumte da ci am manam comme tay buma bëggé wax né buma deug bëggé wax né modo dëkk ci kër gi mani keur ge dekk ci modou lolou jalla manam xalbu la manam ak jaawat la go xamantene tayumako leena ci hadith nak lolou day am manam ne ki di netale hadith bi djoum ci nimu netale hadith bi ngir manam mu nek lapsus lolou dañ nan hadith bi da am xalbu taqlib nana taqlibul isnad amna mais taqlibul matni amna tamit wala manam moy di jallar bi gogum mo xam ci channel gi la wala ci yah hadith bi leen mu am ci nit ni wala lele mu am ci nit ñi ci jëmmi bopam wala ci nit ñi netale mais nga xamne li jallar bi da am comme kay ku wax ne wala ko xamantene bokku ñu jël wala génération bi do fa wéccio manam nga koy netali jaawale ku ñëk ki ku mu juggé lool xalbu da ci am et cetera lele manam yoy yep kon day am ci cyall legi day am ci yahu hadith bi ci bopam wala d'ailleurs exemple biñu faral di joxe ci yahu hadith bi moy hadithu sujud manam di rod sujud hadith yi wax ci lolu tax borom xam xam rahmatullah alayhi mu wuti ci moy ibn sadis ibn umar bi radiyallahu anhu da yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne bo len de sujud bu len ndekete bu len def comme ni geulem di def da ngayen di tek sen mo ne day tek tankam mu fa doga tek loxoy voilà mu ne bu len def non legui hadith bi qalbu da ci am ndax ibnu umar ci bop motax imam al bukhari rahmalahu bu mu waxe indi hadith bafa da ne way rek ibnu umar de radhiyallahu anhu da tek loxom bi bafa doga tek umu bi manam nga gis ne manam lolo tax borom xam xam rahmatullahi alayhi wute ci masala bobu ne lan mo lan la manam est ce que du tialale gi dañu manam ñu gis ne manam buñu ek qalbu comme maliki rahmatullahi non dañ japp ne fofu qalbu da ci am manam dañu japp ne bo gisee ibnu umar radhiyallahu anhu lutax mu netti li manam hadith bi di wax ni manam ñu gis ne kon mom manam ki netti li hadith bi manam ku nek ci reew ci tialale gi mo joom bu goona wax tek tanki ba tek loxoy doga tek tanki bu far dal wax tek tanki doga tek loxoy wala manam do joom ci nimu waxe motax ngeen di gis ci yenn mazahibi han ño xamne dañuy gis ne comme hana bilay rahmatullahi alayhim han ak wala matur ñu bari ci wala xana bi lay xana fi surtout rahmatullah nga xamne dañuy ne ñom buñuy julli buñuy sujjot dañuy ñëk tek li gën moy nga ñëk tek mom yi doga tek loxoy soy juk tamit non waye nga gis ne maliki rahmatullah ñom par exemple da ngay ñëk tek loxoy doga tek mom yi wala masala bob bok na ci li tax tam ñu wuté ci mom moy question bi ci bopam parce que wax ji hadith bi ci bopam daf ne ndax gëllem bi day ñëk tek tanki doga tek loxo yi mais c'est que en fait parce que animaux yi sen loxo ci kanam la nek wala ci ginnaw animaux yi sen loxo mo ne ci ginnaw wala manam sen tanki mo ne ci kanam mais sen loxo yi ñu ne ci ginnaw donc lolu motax wala lolu mo indi ki bi lolu tamit taxna bo borom xoxo yu wute ci masala bob Allah manam liñ ci djublu won dal moy ne xol qalbu dañu tuddé moy luy jallar bi moy luy vaciller luy osciller luy varier voilà luy di jallar bi ko lolu moy qalbu xol nak lutax ñu tuddé ko xol moy ne day di lan jallar day di jallar bi ko du tok ci ben état manam da ngay gis té lolu boko xolé xolal bo xolé xalé yi légui nga gis ko da ngay gis dañuy tok réni joy légui faté ko légui dem nek ci lenen nek ci manam parce que sen xol état wu xol mo taxawul non d'ailleurs mag ñu ndam non lañ mel la sen état xol togul voilà manam au fur et à mesure manam da ngay gis ci ben minute bi état wu xol bi daf ci soppé ko lu bari voilà manam jallar bi ko gogo ak jallar bi ko ci digeunte lu bax ak lu bon ci digeunte jikko yu baxi ak jikko yu raf manam jikko yu rafeti ak jikko yu ñaawi jallar bi ko bop muy jallar bi ko motax xol ni tudde ko xol lool mom motax bu deme nak ba stabiliser wu taxaw ci lu bax kisse amatu lu bon bu boba lool mom moy lañ wax ne xol bi sujjotna lool lañu exprimer ne xol bi sujjotna voilà nossu mo tamana deng kon manam kon de xol bi manam keni baram yoy ñu nek baram borom bi la subhanahu wa ta'ala en fait mom moy lan ciobar yalla manam moy ay mbir yi aju ci ciobar yalla ak mbir yi aju ci katanu yalla ñom ñoo régir xolu nit diko soppi diko duggal ci état genn ko ci benn état yobbu ko ci benn état comme ni mu nexé ki nga xamantene mo len di jallar bi mu yalla subhanahu wa ta'ala moy qat legui wa ni mo li ndon wax legui etay day soppe ko ta xol wa legui ta mune kon wa akhraj ibn abi shayba akhraj salal ibn abi shayba moy ha abu bakr borom musannaf fil musannaf fil musannaf mo ahmad moy ahmad ibn hanbal ha wal bukhari moy muhammad ibn ismail ibn ismail al bukhari rahmah fil adab al mufrad wal adab al mufrad wa tirmizi moy ha al imam abu isa muhammad ibn sawra ibn isa at tirmizi wa hasanu ta nena hadith bi hadith rakat la rafatal man hadith bu wir la wa ibn jarir te mom moy at tabari al imam abu jafar muhammad ibn jarir at tabari rahmahu allah an anas jeul nañ ci anas radiyallahu ta'ala moy ibn malik radiyallahu ta'ala anna wa qala nena kana rasulullah ndawul yalla ni sallallahu alayhi wasallam nekkon na ko xamne yuksiru dal na bari lol an yaqulu yum dan wax nan ya muqallib al qulubi yow yalla mi nga xamne yaay jallar bi aji jallar bi xol yi sabbit yalla nga saxal al qalbi sama xol ala dini ke ci sa kaw dini ñaan yi yentou sallallahu alayhi wasallam bi la gëna bari lum dan ñaan amma bi nga xamantene mom la sayyidat ummu salama radhiyallahu ta'ala anha wax ne mom la gënal bari lum dan ñaan ci bu nekké ci kërëm lum dan digg yent bi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan moy allahumma atina manam comme ni ayat bi wax rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar lool mom ci kër ga mom bu ayé sama kër mom dama ko dan dégg lu bari muy ñaan ñaan bo wala deug mu ne kon faqultu neena man mané ya rasulullah yow ndawal yalla lay amanna ñun gëm nañ bi ke ci yow bo bima ak ci lepp lo xamne ci dikke nga bi ci mom fa hal ndax taxafu da ngay ragal alayna ci ñun ndax yow da nga ñu am loolu ragalal qala yantum sallam ne naam waaw li tax mom mo ne innal quluba li wer bu wor moy xol yi bayna asba'ayn dañu nek ci digeunte ñaari baram min asabi'illah ci baram yalla yu qalbaha mu koy soppi kay fay saw lu ko soppé ci Allah moy lan lol moy meuna nit ki lu mu bax segam ci ba digeunte baram yalla rek la nek manam ci digeunte ties même pas lu geuna touti ties yalla meun nako sopp mu def ko xol bi geuna bon legi waram jallar bi rek da koy jall comme ci digeunte ñaari baram yalla rek la nek mu koy jallar bi num ko neex manam ci appréciation borom bi la aju no manam xalé yi meun nañu di nek di def sen yofi xalé mais mag ñi waru ñu ci associé legi kon legi mune kon xol kon comme sa gam xol mom ci digënté lool rek la né motax lolo tax affaire bi garaw lolo tax problème am lolo tax xelu kenn warata mëna dal motax sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu xamane sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu manam da fay doon wax ne buma sama benn tank nekkon biir aljana ak garantie yim am yepp yentou sallam mom la ñëk tuddu ne ki di dem aljana ya borom bi subhanahu wa ta'ala ne wala sawfa yarda mom day dana contane ndax dana ko fay bu mu contane sayna abubakar radiyallahu anhu wa ma yughni anhu maluhu ah naka iza tarada dede du fofu de ah wa sayajannabu al aqall ladhi yu'ti maluhu yatazakka wa ma li ahfa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda mom la borom subhanahu wa ta'ala don tag ci nan sanes nay ne izuma fil ghar moy ñaarelu ñaar ginnaw yentou sa sax seta bakkar moy le deuxième mom sayyidna abubakar radhiyallahu anhu mom la borom bi don tag nan wa salihul mu'minina fa inna zahara alayhi fa inna allaha huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da zalika zahir manam yeen bo len de fek boba ñaari ci soxna yentou bi sallallahu alayhi wasallam ño amon ben xetu xam nga rek comme ni jigeen ni def xetu manam nak mo nek nako tuddé xetu complot ko ndaw manam rek ngir dal am sen affaire bax quoi voilà manam ñu am luñu wax yentou bi sallallahu alayhi wasallam lo xamantene yentibi sallallahu alayhi wasallam lolou dafa tax mu djugge ci haramalal bopum lo xamne yalla da nga na lon nako da nga na lon ko lu demé nek ñen ñu né comme lem bi la lem bi nga xamantene parce que né woy seuk mom dafa am bel bu ñëwé rek nañ né seuk affaire bobu muy seuk affaire bobu xet ju neexul dara fek keur Zainab bint Jahsh mo am sen wujju la de la xara fa lañ ko daj wala ko daj jël comme yentibi du ko bëggon nak lem bi legui le ñaar ci soxna bi ñew denne dane legui xam nga lu bu ñewé té rek lañ né mo am kumu ñew ci kër lañu c'est affaire amna benn affaire bo xamna dang koy jëfëndiko tay loolu mom xet bi neexul dara manam genre yoy quoi bu ko démé bu bayyi ko wala moy les affaire wuji quoi voilà bon denen ni sa benen version bi moy né c'est Mariyat al-Qibtiyya la wala radiyallahu anha mom la mom lañu moy yaayu ben domam moy yaay domam chatam bi sayyid ibrahim alayhi salam wala legui mom lañu manam comploté won contre mom da parce que wala de en gros pour résumer yentou bi sallallahu alayhi wasallam ne dort mako djegete manam dort mako lalati alquran nak ne yentou bi sallallahu alayhi wasallam dedet bul haramal sa bop lo xamne yalla dako daganal ci yow pour rek nga out lu neex sa soxna yi dedet bul def lolou hein legui nak alquran ne de yeen ñaar ni wa inta tuba ila allah faqad sahat qulubukum so len toubé djum ci yalla day sen xol dana sel dana lap ngén délu ci yalla wayé wa inta zahara alayhi bis bo len dé da ngén di comploter contre mom man di jappalanté contre mom yolenté bi sa sam deug num ci tek mo né fa inna allah di werbul moy yalla huwa mawlahu moy khalifam bi moy khalifam bi aliyewu ak mom wal mala wal jibril mo né wa salihul mu'minina ak ku bax ku gëm ku bax subhanallahi sayyidina abubakar la ci doon wax la day wax wal malaikatu ak malaak yep ba da zalika sax ginnaw ñoom ñep dañu jappale yent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñep yent bi lañu andal manam ci bir julli ñep mu tan yent mu tan nako comme ni nga xam tan tam non la amé amna ben way bu ñew né sayyid na sayyid ki yent bi sallallahu alayhi wasallam da doon net bi ba netali ben nak bu doon wax ben nak bu wax mu amna ben nak bo xamantene bi nangam fa nak bi dafa ne daal di wax rek ben way daal ni nak buy wax yentou bi sallallahu alayhi wasallam man gëm nako abou bakkar gëm nako omar gëm nako wala manam le fait que nonu mu len tuddé nonu té laaju len ndax gëm ko laaju ndax bi ndax gëm ko dedet mais mom xam na ni ak lu meuna xam ñom ñaan ñom ñatt ñom gëm nañ ko gëm nañu ne nak bobu wax na wa wa sayna abakar radhiyallahu anhu moy comme waxon nañ ko ci jotay bu lu ko marami li yent bi waxon ci mom sallallahu alayhi wasallam ne buñu jëlon gëm yalla nit ñepp tek ci ak ñepp nak ku dul yenen ci rek malaaka yeek ñan ñepp rek dal ñepp waluyu ye khutbu zam an ye ñepp rek ñepp jël ngëm yalla yu yup tek ko ci benn plateau balance bu ñëlé bu Seyna Bakkar radhiyallahu tek ko ci benen plateau balance bu Seyna Bakkar moy gëna dis wala wala moy gëna dis déggo lu mu wax né yeenent bi sallallahu alayhi wasallam né Seyna Bakkar radhiyallahu jitu wu len dulli ko bari wala ay wor yu bari ma sa wax mo bakkar kasar salat wala siyam inna ma sabaqakum bi shay'in wala ci benen riwaya bi sirrin awqa'ahu Allah fi qalbihi sayna bakkar radhiyallahu jito wulen julli gu bari wala wor yu bari dede li wulen jito ben secret la bo xamantene yalla dako wacc ci xolam mais pourtant andak te yentim sa sa wax nako da ngay dem aljana borom bi subhanahu wa ta'ala du wacc ay ay alquran yu beuri tag ko wax di wax ci ay mbirum ni dana ko dana deku yub aljana dana ko may nak ngeureumum yeneen ak yeneen ak yeneen yeb borom subhanahu wa ta'ala yitte wu ay mbiram ba sax wallahi khala subhanallah ba xamantene lu xew keureum sax sahaba ay radiyallahu manam nim sayyidat aisha radiyallahu yimi am sax da ngay gis ne sahaba ay ñom nuñ ko interpréter moy ne parce que doomu sayyidna abubakar la radiyallahu lolu lañ ko interpréter moy comme bi ay timi wacce ba sayyidna usayd ibn khadir radiyallahu ne wallahi ma hadha bi awwal barakatikum ya ala abubakar wat na ci yalla ni li du sen barke bu jekki yeen wa keur abubakar té mom sey cheikh rek événement bi sayyidat aisha la concert la won ba déna manam and ak lool yépp nak mom rek mo am famiyum yépp nek ay julit mom rek ko am ci sahaba yi benn sahaba mo am lool muy sayyidat abubakar papa yaayam domam yépp soxnam yépp et cetera manam ñepp ñuko wul ñu nek autouram famiyum manam famiyum ñu ñepp nek julit mom rek ko yentim sallallahu alayhi wasallam don lim don tag sayyidna abubakar radhiyallahu anhu ci jitu gi mu jitu ñep tout temps ba pare tout temps motax bu dara dal xew sax comme bi mu ne nim tej buntu yep bam dess buntu bi di jaar keur sayyidna moy buntu jaar juma jaak ji yep nuñ leen tej leg bu ken jaar bam dess bi di jaar buntu sayyidna abubakar radhiyallahu anhu nan wa mom de tej na buntu bam dess buntu keur bi jaar keur xaritam mu ne waw parce que mom rek la def xarit defuma kenen xarit wa manam and ak lool yeb subhanallah deglu len lum wax sama ben tank bu teggu won bir aljana benen tank bi dess ba tay woro gu duma assurer gu sama xel do dal agum ndax yalla sañ gi mu sañ lu ndax yalla sañ gi mu sañ lu ne manam renversement de situation manam niko borom bi mané mais dafa impressionnant dafa impressionnant motax tout temps l'espoir est permis mais tout temps aussi il faut mettre là il faut nga ñane ha dara fi wour yalla lu ne la man xol yi non la koy jallar be ci manam manam ci benn seconde xol lay sey ki wax cheikh ahmed ibn mubarak allah tii rahmatullah alayhi radi anhu muné d'ailleurs bimu tassé ak benn kenn ci serignam yi manam ñuko jangalon diko jema di ngat ci affaire wu waliyu quoi di voilà pour wax ko ne ko serignum bi monta ne ko manam serignum cheikh abdass daba la da no warta man ne wali ko di e que amna ay critère nangam mu ne ko nak critère wali yoy nga ma beug tegal boma tontule question yi ma man ko nang bokku na ci nak ci yim ko wax moy daniko su fekente ne yalla mën na jël ligui ben yifir bo xamné bien vraiment yifir bu ñul kuku la yifir complètement ligui ni ci saasi mu soppi xolam ci saasi ba def ko muy xol bi gëna bax mu nekk waliyu bi gëna mag ci xolam manam mu soppi ko ligui ni ci même moment bi su fekente ne yalla mom day def lolu te man nako ban critère nga mo meuna tégalat pour né wa wali ni la war mel ban critère légui amoutou critère bu objectif amoutou ci au moment où yalla man na légui djël yéfir bi gëna bon légui mu soppi xolam légui mu nek ki gëna bax légui ñaata lañu gis ay nit ño xamantene ci liñu nekkul mi ndëngti gu doy waat xol ak boko lewat tasawuf ñu bari ñi di tag di wax seen maggaay seen bo len xolé ñen ñi ci ñoom am na ci ño xamantene naka jek dañu judd rek nek ay ñu mag siñu maggaay seen ci ñoom mais amna ci ñu bari itam ño xamantene dañoo judd rek dañoo nekkon ci yoon wu doy war mais dañ jek yalla may leen ñu tu xala ku mel Fudayl ibn Iyad radiyallahu ta'ala anhum mo wol mako ci salafi trois premières générations mais ku maga la ku ñuy référence la même ci hadith yi ak ci surtout nak ci wa tasawuf ci ciel tam ci maqama yi nim ko doon vivre et cetera mais liko tublo moy de doon genre doon laqatu pour di am ndaw sum doon seti ji di tepp mur pour laquma law bi mi di tepp mur bi le deg ben way jang ben ay alcorane rek ay alcorane bobu dugg ci rek mu daali daan bi mu daano non nda tellement que ay bi dugg dugg ci la jugge daal dem tuubi ci manam amna ñeneen ki wala akila talbi al moy ki imam ki abu dawud nek indi ci hadith bi ci haditham al-qanabi al-qanabi khatra ha mohammed ibn abdullah ibn qanab al-qanabi mohammed ibn abdullah ibn qanab al-qanabi rahimahullah talib imam malik mais mom len nako tublo len dafa don genre ku agresseur la won quoi leg mu am ben way bu mudi agresser fek mu nan sangara nan ba mandi waji ne ko mudi ko agresser munako ba mais may mo wax la ben affaire kesse munako wax munako moy li yent bi waxon rek sallallahu alaihi wasallam iza lam tastahi faf'al ma shi'ta bo amul kër sa defal lu la neex wax jojju dugg ko mu daal tek lepp di joy après mu ne ko non vraiment bëgg na changer dama bëgg tuup numay def mu daal koy expliquer après ñu ki mu dem ginnaw mu dem setti ji imam malik après commencé jang ci mom voilà manam nga gis ay renversement de situation yu rapide yu kaw bishir al khafi radiyallahu anhu mom tam ci nit yalla yu mag yi ponkal lu walu tasaw la bok borom xal yu kawé mom ci lolou mom liko tublo moy dafa romb ben keuyit ben papier ala né ci gadd mi mu xol ci mbalit mi mu gis né touru yalla lañ ci bind mu na ah xawmu lu bari nak mais xamna tour yalla dal warta nek ci place yu melni quoi xara dal di jël fa xass ko kiko hein dal di koy tek fu kawé dal dem teud nelaw bi mu teudé nelaw mu dal di gënt ben ku koy wax ne ko manam ñu ne ko yow bisira def mi nga xamantene nonu nga labalé suñu tour motax nonu lañu labalé sa xol bimu yewoo rek xalam soppe ko complètement xol bi jeumatul ci dara ludul ci lu bax manam ay renversement de situation yu gaw manam motax espoir amna manam tay amul ken comme ni ko gay def ko xamantene dañ na bu kaba gi ñewoon sax du bu bax lolu do deul non bimu deul non mais aussi non la même tendance inverse non la même tendance inverse comme tendance biñu far di netali ci wa sax moy ka bu ba balam al bahura ak mirsis balam mom borom xam bu maga mak lo won dañu wax ni dana and ak yent yalla musa alayhi salatu wassalam yalla demon na ba xamal ko tour yalla bu mag dem na ba nga xamantene bu toge day di gis aljana ci ndey joram bu xole chamoñum day gis sawara bu xole teene day gis arsh manam ay mushahada yu doy war la ko yalla man mak mukashafa mais renversement de situation bi yalla di def sa yu ko nexé ci ku ko nex tax na ba nga xamantene dem na ba ben concours buñ présenté won pour wéddi né yalla amna manam pour démontrer né yalla amul mom mo jëlul raw gaddu gi xam nga kuy ku dem ba mi gëdë raw gaddu gi señ bi ha mom la alfan nan moy bi nek suratul araf mom la melale namna alladhi atayna ayatana wa fan salaha minha muna kamathal kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas sa masal qawm alladhina kan kafaru bi ayatina manam ay bi di wax lolou ci mom la doon wax manam muy wax nan def len attention parce que amna ño xamantene comme ki nga xamantene mom dañ ko joxone suñu ay xamal ko ko après mu teyé ko ba xam ko dal di koy bayyi non dal di filmer fu ci lolu ba set kok mom ak xat dafa mujjon dem ba yalla natto ko mu non la ko mbugale won comme xat soko bayyi mu yokkat hein soko tege ci kaw dara mu yokkat manam di genn lamine bi non ni xam doon def mom non la doon def manam ko ngas ma de situation dafa gaw amna tamit benen bu borom xam xam bu mag buñ la no bir six mom tamit benen exemple la mo xamne jaamu daral jaamu yalla mo dem la dafa beru won nit ñi sax tok di jaamu yalla rek lay ko wax bu gaay da soxla dara ñew net li ko wax ko mu ñaanal leen seen aajo faju wala mu ñu laaj ko mu tontu len wala yu mel lool rek la doon def nek di tok rek di jaamu yalla ay ati ati ap mais mu ci gi dem na ba nga xamantene si taale fim ko jaare moy da am xale bu jigen bum ko bum duggon bu sa don xale bu sa buñ ko indi le rek manam ci gatal dal manam da ko don wax ne ko waw legi nañ ko manam final suñ ko indé mu dañ mais suñ ko yobbo mo mu sadak finalement mo lañ ko fi bayyi nangam ben jamono et cetera yoy manam fofu lako jaré ba setan xir ko ci mu ndialo ak ndawse ndawse ëmb bu mu ëmbé mu né kon munu ko ki fo mu ray ko setan to digël ko né ko non il faut nga ray ko sul ko parce que après du ki mu sul ko après setan tok ci buntu manam fi buntu fi ne ko ni comme ni buntu fi na di joy gaay ñew mu leen ki da ko ray dafa ray xala bi jigen bi ngeen ko indi lool mom lay joy ne ah tek ko ci kanamu ki bi mundul ba pare wad leen a armé ba mer bi ñene fi lako sul te mom moko xon ne ko sul ko fi ni mu deme ba ñu japp ko war ko pandre war ko ray yoy mu ne ko so bëgge mën na la dimbali nga recc mu ne ko da ngay wedd yalla rek mu ne ko lool non mu parce que niñ ko takke ak yoy mu ne ko non man instant bi mënuma def dara mu ne ko da ngay sujjoot da nga may sujjoota la mu ne ko non mais mënuma la sujjotal parce que insta bi dañ ma tak dañ ma yew mëna ko bop bi rek ngay def bop bi sa bop bi rek ngay def siñu sujjot rek mu def ko mu dogal ko mo wala ak kayu bare amna manam nimu amé kayu yo xamanteni dañ nan ak di da rutch moy comme king ñu doon netali ci waaw ki nekk ci voilà moy tabli ñu nekk ci voilà fi li ñu li kenn dafa ñew ci ñom man dañu tassé ben tubab environ 50 ans environ ñew ne len gis len niñu solo niñu ki mu laaj len lo len doon niñu ko ñun ay julit luy julit nangam nangam ku ci bëgg dugg noy mel ñu wax da ngay wax baat cede yi da ngay julli ki nangam mo amé nan kan lañ ko mëna def nan la mu ne ko dama ko bëgg def légui mu ne dama ko bëgg def légui par après on va dinañ ci waxtaan mu ne ko non non non nañ dem légui ñu wa kon il faut nga sangu nangam mu ne ko wa lañ dem ci jëc ci sen jakk di ma sangu wala fof parce que comme fa lañ jëmon da na dund julli ñu dem mu sangu ba pare ñu di julli dañu commencé kabar julli rek ndekata bi ñu su joté non rek waji ci la génné addu manam té imagine tay ñu bayyi won ko nan no xaaral ba ci kanam wa bu ñu non grand bay bu suba rek wala bay vendredi nga ñew wala ñu wo sëriñ bi mu ñew tuubal ko alors que tout amul protocole parce que ñu bëré loolu lañu comprendre tout amul protocole amul fenn yent bi sallallahu alayhi wasallam xana bu doon mom kay mom jamono mo gënal kawé yent bi sallallahu amul woor ñu naan benn way bëgg na tuup bërb sangam la dëkk wala ci kon bi ci ginnaw la dëkk nañ ko wo mu ñew ci yent bi sallallahu pour tuup ci amul woor fi nga tok ngay tok yeug ñu bo man dal ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu muhammadar rasulullah dal gëm na ko mo wax ko jeex na dugg nga yaa ñepp ci yow amul protocole amul manam duggu ci l'islam amul manam du ay papier yoy déposer ay gaay étudier ko pour joxe réponse amul du lool non amul nañ séti ji ñoom diw après xamna buñu paré ci lool ñu waxtaan ak ñoom diw suñu paré ci yoyu yofi wolof yoy amu ci dafa simple tout da simple et puis amul il faut nga dem ci il faut que xawma ñu wo ñoom diw pour ñu téwé ko amul lool amul nit ki fu mu ko sentiré nonu lay touwé jeex la après yi koy war ay julli ak yoyep war ko nak comme ñepp nak ci sa ci mom julli lako dal di war amul nañu mo toubal mais bon bo xaral ba ci karam parce que la maintenant pour nga préparer wu pour nga commencer mëna adapter wu un peu petit à petit affaire ndank la après nga julli nga commencer julli alors amul tamit manam moment bi mu toubé tay comme ni day julli takusan legui la koy war legui la ko wara julli amul xaral ba ci kanam wala xaral ba ñibbi nga sangu jek yoy amul legui la koy war non day sangu ñu legui la ko wara def amul nañ xaar ba ci kanam wala ak yeneen yi gaay di wax ay fokk ñu wat ko nelak non yoy mom ay exagération la yu graw yo xamantene yalla ñu yalla sam mais xolal subhanallah da ngay gis ño xamantene dañ leen di rien que pour lool mais xolal ñaata milliers de personnes youtube jamono yentibi sallallahu alayhi wasallam est ce que daf leen do wax nan la ay way yeen ñep kay leen comme tout ngi legui nañ leen watel et en plus amna benen aspect moy watu nel ci jëmmi bopam fenn rek la nekké sunna moy bo di acc même watu nel ci bopam def ko habitude ni rek yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa ngañ ni ko ñu mel non parce que daf ni xawari ji ñom non lañ mel dañuy watu nel xawari ji benn groupe lañ bu doy wat ndox ñu xamanté nak ala ñu xawa ñu manam ay ñu lañ ñaan extrémiste wala manam le terme extrémiste par excellence moy xawari ji wala mais sinon watu nel ci jëmi bopam rek manam xam nga pour manam dama am yu bari yo xamantene de xawma tradition la xawma wala en tout cas amna ay ki amna nak ben hadith yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ben way ne ko ilqa anka sha'ra al-kufra thumma khatim manam gennel ci yow karaw kefir gi te nga xarfal voilà mais lolu lolu hadith bobu borom xom dañuy wax ne wiru donc déjà le problème wiru hadith bobu mom mo ndik poser wu ñaaral bi ci dess moy sou wiré manam manam moy parce que dafa am chouzouze au départ chouzouze am au départ chouzouze moy isolation manam dafa avi manam wax la jo xamantene une narration isolée au moment où ay milliers voire même des centaines de milliers jamono yenn sallam dan nañ tout kenn ci ñom da lu leen wax dan la watu du xam nañu ni sayna bakkar ñom sayna amar ñom ñu radhiyallahu anhum ñom ñep ñu ñu tuubé ak ñeneen ñu dul ñom kenn amul kenn ci ñom ci histoire am ko ñaa waya bam paré da dem ko do wax gi wala ki moko wat wala amul mais voilà mais ñun wolof yi japp nañ ne waji bu tuwé da wara watu nel même sangayal farata gi sax sangayal farata gi daf koy def pas parce que yéfir lu won mais parce que majeur la bo xamanteni dafa amé janaba bu ko dal mais c'est pas parce que yéfir lu won motax day sang farata wala ak lan ah xarfal gi mom dañ ko wax wax mais dans la limite du possible ak ci lo xamantene mom dana ko man parce que amna mak ñoo xamantene buñu xarfalé dañuy gañu bet bo xamantene parfois sax du bon tout dépendant ci méthode yi et cetera ak yoy mais xarfal gi mom da koy war wa du ko téggé ko lool liko waral nak du ne parce que dafa tout nek yéfé motax dañ ko wara xarfal mais moy gum julli ñep et que sobe bi nga xamantene mom lañuy bañ mom sobe bi moko waral man sobe bi di bi place bi mi nek di téy motax ñukoy exiger à part ça amul lenen wala donc yoy yep matna baye xal wala leg pour revenir en tout cas borom subhanahu wa ta'ala day jallal bi xol yi comme nung ko nekh ñang muna kama kem ni nga xawé dana hadith bobu tamit biñ wax legi moy né yalla moy day jallal bi xol yi comme nung ko nekh muna non tamit rawahu non la ko solo ibnu abi shayba ak ahmad imam ahmad ibn mardawi rahmatullah an umul mu'minin jere ko tini nday way gem ni moy sayyidat aisha radhiyallahu anha warawa non la ko soor bal bukhari imam bukhari rahmatullahi fi tarikhi ci tarikham wa ibn jarir astab moy imam tabari wa tabarani abul qasim rahmatullahi alayhi an sirat ibn fatik sayyidat ibn fatik radhiyallahu ta'ala anhu warda nanga kon xol yi dañu nek ci digeunte baram bi borom subhanahu wa ta'ala mu ko jallu mu ko nek kon lolu hadith bobu day wone ni yalla dafa may baram mu ko min ko waxe du ay membre xam nga ñu liñu xam ci baram mo la ñu xam ci baram organ la manam ben manam organ la bu bok ci loxo du deug wala tank lolu lañ xamé baram voilà mais yalla ko mom amul physique donc baram du organ mais melo la ci mom bëram ci la moy wa annahu ta khabar nañ do mom yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam wala bok mom yëneñu mom borom bi bok taala aji ka jël ne lawo ñeël nako mam ne leer mo lawo ñeël nako aynun bët borom bi neen amna bët comme ni nga xamne non la wa alqaitu sanina alayka ci yow mahabbatan ak tofen minni bu tukke ci man wala tusna tamit nga nek ko xamantene da ngay dañu la défar dañ la moñ ala ayni wala dañ la ñongal ala ayni ci sama beut surtout taha ay sarra moy bobu yent yalla musa la doon waxal alayhi salatu wassalam ak mi wax yent yalla nuh alayhi salatu nan ko wasna tabaxal défaral al fulka gal gi bi ayunina ci suñu beut manam ci suñu beut wa wahyina ak suñu wahyu mu surtout hud ay 37 takfa wa hayna wahyuna ilayka ilayhi yen ci yent yalla nuh alayhi salam anis ne ko kat isna tabakhal al fulka gal ga bi ayunina lepp nek ci sunu beut wa waxina suñu waxni man ci suñu revelation sortu mu'minuna ay 27 ak bi muy wax yent bi sallallahu alayhi wasallam nan ko fa innaka lir wor moy yow bi ayunina yaangi ci suñu beut sortu tour la ay 48 ak bi muy wax ci gal gi tamit batay gal yent yalla nuh alayhi salam mu nan tadiri day daw bi ayunina ci suñu beut jaza an mu nek ak fay lima kana ñeen kep ko xamne ku fir dafa weddi won manam koku mom dañ koy daal di lan dañ koy labal mom mom du yek ci kaw gal manam bo xole fi yep day wax kon suñu ci suñu beut ha suñu beut manam kon borom subhanahu wa ta'ala soot day wax mais nak nañu baye xel ben affaire comme wahabiti liñu wax ne borom subhanahu wa ta'ala dafa am ñaari beut lolu amul lutax amul alquran yim wax yeb ayn ben lay wax wala ayun ay beut yu bari lay wax ne waxul ben waxul ay nañ waxul ñaari beut wa minute nuko waxe non mais dans un sens voilà manam no en fait voilà non c'est que dafa am ki voilà c'est à dire que xam nga ñu sénégalais ñun baatu wahhabit souvent xamnu ko wala bok xamnu ko won parce que légui ñu koy commencé wax mais xamnu ko won ñun liñu xamone moy ibadu mais sauf que ibadu tektele wul wahhabit ibadu tektele wul wahhabit lo tamit fo ñu def ci attention parce que ñun ki ñi wax ibadu de manière générale moy par exemple jigen bi di mour gor bi du dox loxo jigen ni ak jigen bi du mesu ak gor bu am sikin ak ki nga xamantene wala day sol lo xamantene du wacc ba ci manam du comme ni nga wax day ci keul la ak di yor socc yoy yep nga xamantene ay doxalinu yenti bi la sallallahu alaihi wasallam ñun ki di doxale non ñun lool kokku lañu wax ibadu manam mo xam ab tidjal la mo xam mourid la mo xam khadir la mo xam lu meuna doon mais madame jikko yi ay melo la yu nekk ci mom du deglu musique du yoy ñun dañ nan ko ibadu la alors que donc ci sens bobu ibadu mom ibadu mo bax c'est à dire que kep ku nekul ibadu rek manam baxu wala bok en tout cas dugulo ci cadre bi geug li geuna bax leg la nak amna ben wax jo xamantene nit ñi dañ koy faral di wax loolu lu mata baye xel la te rawati na suñu jamono lu mata ngañ la moy lan moy diine de du nangam kesse mouray sax amna solo way diine nak amna lu ko upp solo nak xam nga gis nga di mou di diine du mouray kesse ndax xam nga wala du sikim kesse du cieureul ceukel kesse diine dal nang mais d'accord lolu du diine du lolu kesse du lolu kesse lolu deug la mais lolu ak ci diine la bok nak du ceukel kesse du apparence kesse mais ci la bok yow tay bo gisé ap posi nokoy xamé posi moy voilà wa posi rapper wa nan nga koy xamé voilà di gis mo nga koy xamé voilà façon toubé bi mi sol chaîne yi mi tak ak dal yi mi di sol casquette bi jeungal gi ak ni mi di doxé ak buy wax ni mi wi chexé loxo bi voilà bo gisé vrai amateur football nan nga ko xamé boudé dang ko tax dañ tassé ko mbéd mi mayo ni mi soné mayo bi ak ni ko mbiri di intéressé tay bo len dé wax sax da ngay gis mu lay tuddel star football yi mu sopp ah nga gis parfois day solo comme mom ni mi solo nga gis mu jël sax yéré mi dal di wax na ñun ci bindu tour wajjo ju ci ginnaw ak numéro bi nga xamné mom lay sol voilà bo gisé ku bëgg ay affaireu militaire ni affaireu armée ñu nga koy xamé da nga koy gis mu sol ay tri di sol ay yéré yo xamné na couleur militaire yi la ak yu mel non hein amna ay plaque ñu bind voilà plaque yoyu et cetera et cetera manam bo gisé voilà tay bo gisé ya subhanallah li gëna graw moy né da ngay gis ñi di am xalé jigen ñi 5 ans non parfois sax légui 1 an lay tambal wala 7 mois wala non parfois sax juste rek bu meune am yir yu ko jot rek ay 3 4 mois rek baxna da ngay gis ñu di len solal comme model exact star yi ñu sop wala am na wala ok legui wa legui yo ki nga xamantene nan la lolou meuna nek ci ki nga xamantene mom kon nonu lañu meuna pourtant lolou apparence rek la mais apparence bobu ci bir amna yenen yu ci ne mais apparence la quand même yu indiquer ni waji dafa bëgg rappeur bi waji dafa sopu way kat spécial sangam waji dafa sopu football kat yi wala football kat sangam moy staram wala moy idolam lañ koy wax wala wala wadi ah wala manam ci gatal dafa bëgg affaireu militaire yi mais dañ koy xam ci style ci stylo même ni mi solo rek ak mouvement yi mi def ni mi waxe ak yoy dañ koy ci xamé même da ngay gis politicien ku ci am ben way bo xam tane manam dafa bëgg ki bu cheikh abdou nekone mo motone ko sax ñom dañ dañu bëgg benn politicien ni spécialement da ngay gis même day commencer di wax comme ni politicien bop di waxe nga gis ka même par exemple bu fekke manam ni mi def tuñ yi buy wax nga gis mu ko muy def nonu voilà non mais c'est vrai voilà wa legui lan motax ñu mën nang lolu ci lepp bamou dess ne ki ken ki nga xamne mom yentibi sallalahu alayhi wasallam la def royu tayam mom waruko nuru extérieurement dañ ne ko rek no affaire bi ci bir la lolu mo upp solo li ci biti amu solo lolu yalla mana xellu la xellu rawati na et surtout fi affaire bi gëna grave c'est-à-dire c'est là où le bas blesse moy lolu man nañ ko nangou c'est à dire que ki lay wax lolu mom ma ngay topando ñeneen di yor stylu ñene mais bien bien mom boko defé rek mu commencé frustré wu té néna ci touru diiné lay waxé mais day frustré wu parce que da nga ni yow c'est à dire que ce aspect extérieur dafa ñu wara nuru ak aspect extérieur ki nga xamantene mom moy saïda sallallahu alayhi wasallam fim gëna grawé encore moy buñu prendre en compte benen aspect moy lan le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci bopom pour la plupart du temps ci yoyu dafa wax ne ku bokku ci ñun ni lay mel man de sama borom ni la ma diggal ma mel yalla de li la ma tanal comme aspect extérieur ya manam andak buñu xamé ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam ci bir ak ci bit yépp moy ki gëna mat ci mindi fi manam moy incarnation même de la perfection sallallahu alayhi wasallam donc lolo tax mani bu fekenteene liñ doon wax legui ni lolo mom lañu tuddé ibadu kon ibadu moy gën ci lepp nak lepp ibadu ci gën mais leg leg dañuy wax ibadu fek liñ ci djublu moy ko amul tariqa kep ko xamantene amul tariqa spécifique bo xamantene ci nga bok rek ñu ne mom ibadu la c'est-à-dire ko kon bu boba ibadu limi tekki moy ab djulit n'importe quel manam un djulit bu simple manam djulit de fa voilà dans le sens large du terme moy ibadu et que bo commencé am tariqa ya ngi commencé spécifier wu bu boba ibadu baxna waye amna lu ko gën bu boba ibadu baxna waye amna lu ko gën leg leg tamit ñu wax ibadu fet liñ ci djublu moy ki nga xamantene par contre nak la da fay da fa contre tariqa yi totalement ram dalé la contre mo lol mo ki wul parce que en fait ya c'est ibadu rahman ba ibadu rahman le mouvement ibadu rahman da fa général c'est à dire que ben mouvement ki la association la manam du ay nit ñu nekk ci mbedd mi ñu naan ibadu ak association la bo xamantene ñom ci seen bop ñom lañu tuddé mouvement ibadu rahman dañuy tabax ay école ay ki dañuy dem ci kër diiné dañuy def lénen ak yéne bo xolé seen école yi ñu am seen école seen daar ki mo daara man école yi ñu tabax bo xolé ñi leen di tuddé moy ay cheikh omar fouti ay cheikh ahmadou bamba ay ñoo ñu leen tuddé seen école bo xolé niñu niñu par exemple gamu gu nek dañuy dem dañuy def délégation dem magal gu ne dañuy def délégation dem et cetera mouvement bi la wax mouvement ibadu rahman donc c'est un mouvement religieux bu regrouper ay djulit quel que soit sen voilà fuñu mën di nek mais mouvement religieux c'est que aspect bobu fuñu baye ko xel manam keñu buñ nane ibadu rahman ba nga xamne legui dañ nane li manam mouvement religieux bi amna lu tuddu motax ñom dañ nane jamaa bi lañ koy wax jamaa malo moy association bi quoi voilà moy na jamaatu ibadu rahman voilà mbolo mom biñ ko sos parce que man première génération bi ko sos première génération bi ko sos man xamna len voilà en tout cas côtoyé na len voilà sama mam bi jour sama yaay ci mouvement ci groupe bobu la bokkon ak ñeneen ño xamantene ñu ay ñom patala ja ci xamna ko bax seigne talu ji te xamna ko bax ñoñu nekkon nga xamne seigne Hadi Touré moko yaron d'ailleurs moko yaron ba pare mayon ko domam kena la dekk voilà et cetera ak ñana donc ay manam ñu bari lañ ay ñom oustaz Aliou Ngueye bu ci naba ak ñeneen ak ñeneen ño xamantene comme oustaz tay oustaz Aliou Ngueye bobu non xawma kan mom ko don wax nan ci ku yeme la ci walu tarbiya non ci walu ki même ki wu tarbiya wu ci tariqa bi et cetera donc amna mouvement la bo xamantene ay julit ñoko ki won bon instant bi ni bo xolé ñu ci gëna rañak bok na ci ño ay ñom mom oustaz bobu ak ñom ay maître babu ki oustaz babu plutôt temu jup ni jup te mu dekk mbour temu sol lunette voilà et cetera donc ak ñen voilà mouvement lañ bu tud mouvement jamaatu ibadu rahman loolu lo gissel ñoñu groupe bobu biñu di jup di dem di wuti ji tour dañu ne ñun de dañu amone ben mibet moy dañ bëggoon xam nga fi dañu bëggoon dajalé dal ben mbolo mo xam tane julli ñepp dañ ci reconnaître et que buñu ki dañ ci gën di mettre en relief njangalé manam l'islam de manière générale alcorane ak sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku julli rek war nga ci mëna dugg bok ci war nga mëna and ci mbolo mom biñu wut tour bi dem nak ñom waxtaan ci ak Aladji Abdou Aziz dem sin hadi touré ak sin abdou hadi bakki ñoom ñep dem nañ waxtaan ak ñoom rabi yalla ak man ñoom ñep ñu def ben ñoom ñep ñu waxtaan ak ñoom manam da di len di encourager ci créer mouvement bob ci créer mouvement bob daal di commencer daal len di defal listikha manam pour xol ban tour lañ len di jox biñ len defale listikha ñom ñu bok gis ne ba en tout cas wala bok plutôt Seigne Hadji Touré voilà parce que man nima comprendre ñom sama ñom mam biñ may netali mbir bi dañ ma dañ ne ñom lolou lañ gis mais dafa melni dafa am fenen fuma deg ku doon wax ne Seigne Hadji Touré ci bopam mo len doxone tour bobu donc en tout cas wala bok ñoom ñep gis nañu manam def nañ li ci xabe ak yoy waye waxu Seigne Hadji lañ notal wala bok ñoom ñep ñu bokkundo gisondo ne ñi li lañ leen wara tuddé moy ne Ibadur Rahman lañ leen wara tuddé ñu daal di tuddé mouvement Ibadur Rahman fofu la juddou légui nak mouvement bi da fay avancer c'est-à-dire que da ngay gis ño xamné dañuy bokku ci tariqa yi ñu bokku ci nek ay Ibadur Rahman mais comme que li tax indi amalgame bi moy comme que ñom ñoo ndik forme bi ñuy xam tay ci pratique strict manam bu en tout cas bu correct ci diiné Sénégal ay li yeen ni xut nak ba ni xut mais ci ñom lañ ko xamé voilà c'est-à-dire jigen bu di muru bu jot goor bi du lox du dox loxo jigen duñu deglu musique duñu dem bal duñu manam seen waxtaan yi dañ koy accé rek ci alcorane ak sunna ak yu mel non manam façon pratique bobu manam bay seen skimi bon avant nak ñeneen ñi da nañ ko def mais dafa commencé won de disparaître ci ñeneen ñi bam def ci ñoom manam kon mouvement lolu mo indi après nit ñi buñu gisé ko di pratiquer di même normal dañ ni ibadu la parce que lutax parce que dañu gis ne ñom ñoo amone rigueur bobu wala bok ñom ñoo daan jangalé lolu di accès ci lolu di commencer nak di def ay conférences ko né di commencer di instaurer ay mouvement religieux ay association manam sen jamaa bi ñukoy instaurer partout au Sénégal. Di def ay xéetu tour ba paré di def ay conférences un peu partout parce que avant da nga dan gis ni serigne ci ñoo fi nekkone mais daan ñu def faral di def ay conférences ñi di dan def ay conférences ñu neew la té seen wax yi li yalla xam doyna mais ñom ñoo commencé nak légui di def ay conférences té fuñu def conférences ba paré ñu gis ni gaay kat seen xel gëna delu ci dew ci delu ci yalla nak vraiment parce que ñoom ñoo indi wat thème central de l'islam parce que l'islam itam dafa am ay thème central la dafa am ay thème yo xamantene nit ñi loolu moy base bi nga xamantene ñepp dañ ko wara xam ay yalla kenn la kenn bokale baxul ak ay al-akhirah amna bu yawmal khiyam ni la mel aljana ni la mel ak sawara te yoy ay mbir yu existé la du ay tiaxan du ay lebon lipon e man à comprendre que ni sunna kat dañ ko wara top nangam lolou non dugu ci école wa mais lolou après benen étape bi mom moy étape bu les années 90 jëm kaw lolou moy étape bobu non man limay wax ni moy étape bu les années 70 80 mais quand les années 90 tu dugu ci benen étape bi moy né dugu ci école nga gis école mais quand même les années 80 da nga gis né amone nañu université implanté won nañ ko université Dakar mais biñu démé ñom sen génération bobu bon après donc amalgame bobu non lool bokku na ci liko amna leneen nak bo xamné tam benen réalité la bo xamne du won ciosanu mouvement bi mais après daf ci djoux moy nak da nga ci commencer nak gis nak ay gaay yu dem jangi ay arabie saoudite wala yoy bu ñewé intégrer mouvement bi parce que ñi ñi wax ibadu en tant que tel du ben mouvement kessé amna lu ñu tuddé mouvement ibadu rahman mais amna ñeneen comme al falah par exemple yoyou ay mouvement lañ yo xamantene ñoom ñep bo leen gisé c'est comme ay ibadu lañ ñoom ño bok ni ñuy solo ño bok presque même discours mais association bu wuté lañ amna benen mouvement bi ki manam benen vague bo xamantene moy gaay nak légui buñu démé jangé di arabie saoudite les années 80 années 80 wala années 90 commencé ñew ñenn ñi amna ñenn ño xamantene jangi wuñu ñu côté yoy mais dañu ki manam ay comme ñum ay ibrahima khalil lo gaay yoy nga xamantene dañu hostile ci yenn pratique yi nga xamantene wa ahlu tasawuf dañ koy def malgré que contre-ruñu yenn kilifa yi yi di yëngatu ci tasawuf comme ñom boudé comme Sénégal par exemple contre-ruñu ku melni Seyd Touba ku melni Seyd Hadj Malick wala ñu melni non né ram contre-ruñu len mais liñu contre moy pratique manam idéologie tasawuf ci bopam manam du nit ki parce que sinon boudé nit ki da ngay gis ci seen discours da ngay gis lek ñuy saluer waxu bu wala bok ay yenn recommandation yi Seyd Touba don def ci yenn mbir yi wala yu mel non parce que mom ci bopam par exemple pour exemple mom Touba la def wa ak magam bi tamit magam bi mom mo gënonu siiw wala bok rakam mom mo gënonu siiw Ibrahima Khalil lo parce que mom bon les années 80 il mo grand buzz quoi comme niñ ko mëna wax ci ñu ibadé ak amna ñeneen amna ku tuddu Souleymane Gueye ku nekkon Rufusque amna tamit Aliou Gueye ku nekkon Rufusque tamit mais koku nonu après la ñew hein les années 90 japp 2000 la ñew koku ak ñeneen manam ñu mouvement lañ manam ñu bari lañ ñu bari lañ ño xamantene dañu jox ci amna ki tudd ki Abdallah Gueye bu tudd bu dekk Louga amna manam ñu bari lañ dal ci gatto han wala mu ngok ay galaju ka ay ñoñu non nga xamantene ay ikul min ci ñom voilà ay amna to par exemple ko xolé Cheibatul Hamdi pa bobu sam daan def émission jimmi yi nga xam du sahra wala mako Cheibatul Hamdi Diouf ak ñooñu mais Cheibatul Hamdi mom par exemple bokul ci mouvement bu BS bi nga xam ne dañ contre Serigne Sy voilà mais ibadula manam amul tariqa amul ki et que mu ci bobu la bok donc mouvement bobu ñooñu nonu ay après parce que dafa am génération bi may wax nga xamantene amna tamit Tafsir Moussa Gassama tam ko tuddu non ñooñu nga xamantene ñom ñoo nekkon icône voilà ñoo nekkon icône d'ailleurs buñ daan conférence lo ñi mo leen wax ñom lañ daan conférence lo ak tamit Moustapha Gueye ben bu nekk fele moy tontu bataxal voilà ak Sankhé Ahmed Sankhé ñoñu non lañ daan conférence lo manam bo xolé ba ci génération bobu non bon avant bien sûr bolewuma ci ñom Aliou Gueye ak ñoñu bolewuma nañ ci mais génération benen bi lay wax bi jitu bima don wax sank ba bobu non da ngay gis ne ibadu yi buñuy conférence lo ñoñ lañu conférence lo ñom Tafsir Moussa Gassama ñom Ibrahima Khalil lo ñom Moustapha Gueye ñom Ahmed Sankhé ñom wa manam voilà par exemple oustaz babu par exemple mom tam dañ koy conférence do lu beuri ay Cheibatul Hamdi voilà hein groupe bobu ñom dañ leena dañ ci dañ leena ki won dañ leena respecté won mais aussi nekku ñu won ñu contre gaay tariikha yi mais après nak la am ñeneen ñu ñew après génération bobu la am ñeneen ñu ñew ño xamantene bon après nak au fur et à mesure day am dañuy commencer ségg dañan ndegete diw amul xam ndegete diw ndegete dañ ko fonkon rek waye da nga waru ndekete nangam amna ño xamantene par exemple ay discours kat lañu gëna nek ay tangal kat manam mën nañu def discours war gaay légui parce que aussi dafa am une différence entre ki di warate ak borom xam xam bi duñu bëtt nak amna ko xamantene mën na waré nit ñi waru nit ñi tit delu wat ci yalla alors que du borom xam xam parce que dafa am ay différence même lool ñu bari dañ ci dañ xamé wuñu différence bob digënté gamu kat bi warate kat bi borom xam xam bi conférencier bi ñi ñep kenn du ci kenn nak bokuté ak sa morom ay groupe la voilà voilà ki bi gam mom xam ngeen ko moy bu mané xumbal mëna wax luy attirer nit ñi gaay di fête su di joxe xaaliss contane bit lool moy gam mëna gam su mëne li rek mëna su ki nga xamantene mom moy bu ñu tuddu tour jamburi ki nga xamantene mom moy conférencier moy warata kat bi mom lay man di wax jo xamantene day tax nit ñi di waru di tip di xamne kat ndegete dañu wara jaamu yalla e que wuru nit ki bu deweete jaamul yalla bo moy tudde dem sawara e que bu bëgge dem aljana il faut mo melni nangam manam ki meuna foudroyé xol yi bañu delu ci lolu kok moy warata kat bi amna keneen ko xamantene mom moy borom mom moy conférencier bi mom day meuna ñew dina wax lu am solo comme meuna wax lo xamantene amul solo waye dina wax dal tenir en haleine gaay ñu deglu ko après ñu ne waxtan yu amul na solo neexon na dem nañ ci ñoom après mo am borom xam xam bi nak mom moy meuna dugg ci detail yi ci lu nek mën ci dugg expliquer ba paré di délo mbir ci ci tosan di meuna expliquer voilà les choses di meuna léral li yalla bëgg li lañu nam li lay ki li baxul mais li tax baxul nangam la li dagan na li tax mu dagan nangam la atay l'islam ci li li la histoire islam en tant que tel li mo ci am te li mo ci deug lenen li ci dess amul li moy manam et cetera manam ki meun di def la part des choses ak di meun di expliquer la manam lenn lu ci nek mu meun ci dugg ci anam go xamantene ba para di meuna dugg ci domaine yi meuna ragnet les domaines les différentes domaines lan moy lan ci bir lu ne ba para di ko meuna jangale ko moy borom xam xam bi ko donc ñi ñep kon wuti nañ voilà kenn ku ci nek nak ak say objectif kenn ku ci nek ak sa public kenn ku ci nek ak sa rôle légi ñom biñu commencé nañ def tri amna ñen ñu commencé yéewu ci xam xam seen biir parce que dañ dem jang ni delu suñu commencé nañ ragné commencé nañ xam né li ni moy xam xam li du xam xam et cetera ñu commencé am éveil bobu mais groupe bobu malheureusement nak ci la amé ño xamantene dañu révolutionner affaire bi de manière radicale c'est-à-dire que dañu commencé nak indi état d'esprit wahhabidi nak voilà commencé am pass pass di jangale ay tawhid yo xamantene baxul d'ailleurs ñom xalil lo ci lañ bokkon mais que de manière moins radicale que par exemple frère ambi moy ahmed lo ak ñeneen ñu melni ñom ñom ñi ñoo ñu groupe lañ bo xam dana voilà di nga gis nak ay ñom seydou li Seydou li plutôt warata kat la won voilà mom plutôt warata kat la quoi légui amna ay ñom galadjo kaw ñuy wax ñom ñep ay warata kat la amna tamit ki ci dess moy te muy nuro jola rek xawmo bal amna ben ki la jankhé wala jankhé wala wala jankhé wala ñoy ay warata kat lañu wala donc groupe bobu wala légui gay yoyu daf ci am donc mais génération bu bes bi ñoo par contre ñoo upp xam xam génération bu bes bi ñoo upp xam xam mom ngay gis ñom oustaz mor kebe ñom Ahmed Lo et cetera ñoñu moy génération bobu ñom ay Babacar Sall amna Oustaz Babacar Sall ak ñeneen ñoñu ñop xam xam mais seen idéologie mo gëna graw mo dangereux nak voilà wala ñoo seen idéologie dafa dangereux même déjà parce que affaire bi nanké dag la amna ci ño xamantene déjà dès le début moy amna sa gaay gi amna sa gaay ñom ñu nekkon fi bi seigne dou sax xam na len gaay sa gaay voilà ño ñoo par exemple dañuy gis ni pourtant amul dara lu len wara féwule ak gaay tarixay ak yoy parce que bon de manière générale ki wuñu mais leele dans leur discours nga deg ci lo xamantene da ngay gis ni ñi amna luñu duggal ci seen bop lo xamantene motax ñu contre ki day xey comme amna ci sa ki waaji dekk ki netam nek par legi djeng wa par exemple genre yoyu ñoo nga xamne amna benn jour ma ngi partiliko ma degg mu dal mu dal la ilaha illa allah la ilaha illa allah dal e gay ma ngi tuub de ci eru tidiane bi manam nga gis ne pourtant mom gisul ne la ilaha illa allah rek la wax manam ak mom ko mana waxe manam tu imagine bu don dako waxe comme niko par exemple eru bu gëna arabé comme nari ñu koy waxe non dagay gis ne du japp ne problème la mais le fait que mu waxé ko ni mom la jappé né problème la alors que gisul né lolu forme kessé la alors que forme bi mo am solo té que forme bi lén rek ko indi moy ce n'est que culturel parce que ñun façon mélodie bi nga xamné moy yëngël wolof yi bokku nak mélodie bi yëngël nar yi lolu rek la ce n'est que l'aspect culturel façon mélodie bi nga xamné moy tax tubab bi japp né li neex la bokul ak mélodie bi xam nga tubab bi biñu japp né neex la bokut ak nar biñu japp né neex la bokut ak wolof biñu japp né neex la manam que ce n'est strictement rien d'autre que l'aspect culturel mais par exemple le fait que état d'esprit bobu am ci ñom parce que man dal na waxtaan ak ñom ci ñu bari ci ñom ñi di ñi ñu wa kurel gi moy bima dekké ngi xox ko wa kurel gi ay gaay la ñu doy war ñom par contre par exemple ñom ñoy groupe ibadu tip moy ñom parce que amna ci ñom ño xamantene bon du wa kurel gi yépp parce que en fait ci seen biir dafa amone groupe bu ñu tuddé wa kurel gi parce que ñom nenn ñu ñoy wa ahlul batil ñam ñom ko affaire batil ci lañu nekk non dama len xam mais mu am ñeneen benen groupe bo xamné mais vraiment groupe bu baax la parce que groupe bobu bu en tout cas bu yaqku groupe bobu ki nga xamné par exemple mo c'était l'icône ab cadre lo won mais ci seen biir tidiane yi ci gënonu bari amone ay mouride ap manam amna il y avait un peu de tout amna ño xamné amuñu ben tarika mais en tout cas ce qui était lourd lepp li nga xamanté mom la ñepp dajalo bokk ko moy né alquran sunna alquran sunna alquran sunna non vraiment man groupe bobu daf vraiment groupe bu baax la won voilà vraiment groupe bu baax la won et que voilà mais da ngay gis ci seen biir daf ci am ño xamantene dañu radical ci côté bobu non d'ailleurs ñom la daan débattre lool fofu sax la jangé débat manam nga xamantene gaay tout temps dañ doon djému contre gaay tarixa yi tout ça man j'étais obligé di djému wut ay argument pour dajj len ñom tamit wala contre carré parce que gaay voilà etc mais c'était obligé parce que mënul won baña am moma bobu mais groupe bob groupe la comme par exemple ñoñu non bo ci waxtaan ak ñom ñeneñu da nga gis ne problème biñu am moy ne dafa am ci seen biir à ce moment là déjà moy les années 90 déjà amon na ay nit ñoo xamantene dañu amon idéologie bobu di duggal ci bokku gaay ni la tariqa yu baxu ñu manam ni ngi koy waxe nak duñ ko wax totalement ni mu leer mais dañ ñaan yeenti bi dal sunna rek la fi bayyi waxul won leneen luddul li nangam nangam genre discours bobu lañ dan wax alors que légui ils sont plus radical c'est-à-dire que légui ils attaquent directement touru tariqa tariqa sangam ni liñ tuddu c'est li moy sen pratique nangam dal di wax sentence ci affaire bobu légui ils sont plus radical hein wala alors que avant dañu mel nonou mais donc dañu évoluer maintenant nak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi may wax ñu bëss ni nga xamne ñom ñoo upp xam xam certes ñu jëk ni mais ñoo gëna yaqku dans le sens où sen pass pass dafa altéré wu moy groupe wahhabite ñoñu nak parce que loolu tax parce que dañoo jël dem arabie saoudite parce que arabie saoudite ci jëmmi bopam wahhabite gëpp ñu fa contrairement à ce que nous bari lu ñu yakkar arabie saoudite wahhabidi voilà groupe minoritaire la fa mais nak sauf que instance de décision c'est-à-dire que comme djuma bu kaba gi djuma yent bi salalahu alayhi wasallam ak yu mel non université yu maki ñom ño fa am assise ku bokul ci ñom bo moytu do fa jangalé wala do fa am doole wala yu mel non mais sino arabie saoudite ñu fa upp ni fop ay xafay lañ atay xambali ñoo xamantene amna tariikh yeb ñu so représenté fofu contrairement à ce que ñu bari yaakar parce que ñun sénégalais yi dañoo am ben manam ñu sommes victimes d'une manque de culture tyrannique mais bu doy war non mais c'est vrai parce que lutax parce que ñun tout temps dañ wax né dañ par exemple ñun mëna ñu wax né na ñew ki wu nar yi li nangam nangam alors que ñun xamu ñu né la majorité des tariqa ci rew nar yi lañ né li ëpp ci borom xam xam yi nga xamantene ay nitu yalla yu di dundal tariqa ba tay ji li ëpp ci ñom ci rew nar yi lañu né té que rew nar yi ñi nekk ci tariqa yi ñofa majoritaire ba tay alors que lolu non ñun dañ ko rire complètement et que dañuy jaawale aussi même peuple yi par exemple ñun dañuy wax né par exemple xam nga mauritanien duñ ay arab dé voilà mais ñun dañ leen duggal ci ben groupe bob par exemple irakien iranien duñ ay nar ay persane turki duñ ay nar gaay ci dess ñun tuddu afghan duñ ay nar indonésien malaisien ñoom ñep duñ ay nar té ñooñu dëkk yépp moy dëkk l'islam yi manam bo xolé majorité jullu ñi dëkk yoy lañ né mais ñun par exemple buñu déggé problème par exemple iraq amna problème wala syrie wala iran wala yoy dañ na mais non nar yi da ngay waru nar yi alors que ñooñu duñ ay nar wala afghan yi non nar yi ma xala nar yi alors que ñoonu duñu nar manam c'est à dire que ñoonu benen peuple lañ duñ ay nar di lu upp ci ñoonu degguñu sax arab lu upp ci peuple yi ma leen tuddal yépp degguñu sax arab comme ñun lañu mel ñoom bu ñuy julli comme ñun lañuy julli lu upp ci ñun ñi xam nga dañuy julli mais degguñu ni wax ñoom tam lu upp ci peuple yi non lañ mel et que peuple na indien na pakistanais non et cetera manam c'est à dire que il faut que ñu am recul classifier nit ñi manam ak comprendre culture yi ak différence nit ñi meun pour meun am ak attitude bu normal par rapport ak lune ak par rapport ak kone. Et que parfois, il y a des choses strictement culturelles. Par il y a des choses qui ont par exemple, beaucoup qui se viennent en Rio, mais beaucoup qui se viennent en Rio. Par exemple, si on a des Iraniens, ils sont morts. Par exemple, nous comparons avec, par exemple, les Afghans, ils sont morts. Avec la Turquie, mais ils ne viennent pas. Lol, madame, rien que dans l'Abima, nous avons des Wolofs, ils sont morts, des Wolofs. Du ben ak ñeneen ñi donc manam mbir la mo xamne c'est culturel mais l'essentiel moy l'islam na nangulit voilà voilà et que ñun comme lolo ma yahya lolo la ko wax mune mom bimu démé Tunisie né ñu nako fo jëlé wër de yoy mune ko waaw ben sénégalais moma joxone wër nangam nga gis ñoom ñep dañ content ma sha Allah sénégalais ki mané ko nak bu doon ñun la dañuy mer buñ né ab tunisien duñ content té pourtant ñun ñoom def ñu ñu dara ñun tuba bi ñoo ñu def dara mais non mais c'est vrai ñun ñoom def ñu dara té bo xolé subhanallah ñoom ñu rafété amna kérok ki bouchri sall moy imam bouchri sall doomu sina bass la bu nek dubai nek fa imam tunkara do ko laaj ne ko est ce que fini dubai wala ci ki amna ay manam en gros daniko sénégalais xam nga nar yi duñu nangou ko len jitt lu len di jité yow no def ba nek fi imam yoy mu ne ko non mais ata fi dubai rek xamna fi ño xamantene ay sénégalais la mais ay imam lañ fi man daal di am yenen ñaar ñu ab kenen ko xamantene yakana pap gay la wax na lu tuddu mu ne koku même ci ministère des affaires religieuses fofu la nek imam la mais fofu la nek té lolou moy dubai gi mais par exemple état qui émirats arabes unis yépp mom mi ay sénégalais yu bari nga fa di def len fa imam amul problème lolou alors que ñun contrairement ak ñom ñun nar du ñew mukk ñu jital ko suñu juma am man gisaguma benn dekk sénégal bo xamné nar mo fa imam man gisaguma ba même fini fi li lion gi bo di gisé juma ay nar ya ko fi def xam nga ñu organiser wuñ pour di defari juma lool mom yaakar na ni xam nañ te pourtant dañuy jëlé sénégalais di leen def ay imam si waaw Wa japp ni ñeneen ñoo mel non d'ailleurs Sirif Mohamedou Habib Tidiane radiyallahu ta'ala moy Sheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu lenn mo taxone doonul won xam nga gaay yi dañ na di ci du ñeen deg wala ñu bari xamuñu leen na xamuñu sax existence te pourtant pikine leen deug Sheikh Tidiane la radiyallahu anhu mais lenn rek mo tax nikul won ko xamantene dañ ko xam comme acteur bu affirmatif c'est-à-dire que bu taxaw ci milieu religieux sénégalais bi moy né état d'esprit bi sénégalais yi doxé daf ko don empêcher mu am lool mais par contre dafa jëlone ki li fay diiné yi nga xamanténé comme wa tariqa bi surtout Alhadj Abd Aziz ak Cheikh Saïd Nourou radialan ma ñom ñaar surtout ñom ñaar pour vepp message bu mbeug jallale ci bir senegal ñom la ko daan wax beuri na lu alhadj abd aziz si radialan mu doon wote nan gaay neew leen nangam pour ñu wax ak yeen fekk mom cheikh mohammed habib moko waxo ne ko woowal senegalay nga wax leen nangam parce que lutax parce que su taxawon mom di waxal bopam lan dañ nan mais nar bi lu muy def fi lan motax mu bëgg ñew di ñu imposer ay ci lool lañuy wax manam ñun il faut ñu jema dindi ci suñu bokk état d'esprit bobu té ñom ils sont arrivés depuis 1956 la ñew en 1956 la ñew bobu gën tapé le dokon ci kër Aladji Mansour bi dékkon fof radhiyallahu anhu moy état bi nonu mom fof la dokon ci kaw le dokon ak wa kërëm après ci ginnaw gi ci la ñew ay 1958 59 côté yoy ci la ñew pikine Bon, nous y en fois, Inch'Allah. mais pour délu sur cette question voilà en fait wahhabi di du ne rek ibadu moy wahhabit mais que actuellement en tout cas tendance bobu mo gën di commencer di affirmer wu voilà et que surtout ci sen borom xam xam yi pas ci mouvement bi ñep mais surtout ci ñenn ci borom xam xam yi et que attention buma waxé lolu tektéléwul né mouvement ibadu rahmani sen oustaz yi manam sen borom xam xam yi ñom ñoy yor idée wahhabi di dede ni ni wax ibadu de manière générale lay wax manam ñi nga xamantene bokku ñu ci ben tariqa ñoo ñu lay wax wala wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala sahbihi subhanaka rabbi izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin